Tristesse de Napoléon Aubin, enregistré pour LibriVox.org. Seul bien que j'en vis, amour, douce erreur, viens ma triste vie, s'éteint de langueur. Ô coupe d'ivresse, pourquoi te tarir? Ô fleur de jeunesse, pourquoi te flétrir? Une fièvre ardente consume mes os, chacun se tourmente pour changer de mot. On suit sa chimère, on fait des projets. Et bientôt la terre les couvre à jamais. Comme un flot se brise au rocher du bord, ma vigueur s'épuise à vaincre le sort. Mal qui me possède, abrège ton cours. Combien tu m'obsèdes, ô fardeau des jours! Seul parmi la foule, je m'en vais rêvant, et sans but je roule au pouvoir du vent. J'offre, en ma détresse, j'offre à tous la main, mais nul ne la presse, ils vont leur chemin. Ô mélancolie qui partout me suit, vois mon âme se plie au fait des ennuis. Chaque doux prestige a fui devant toi. Monde où tout m'afflige, que veux-tu de moi? La joie est donnée à nos jeunes ans. La vie et l'année n'ont qu'un seul printemps. Malheur à qui chasse les tendres plaisirs, l'hiver bientôt glace, et fleurs et désirs. Je vis une rose, au déclin du jour, que ma main t'arrose, dis-je, aux fleurs d'amour, pour qu'elle te cueille demain sans retard. Je vins, mais sa feuille volait au hasard. Fin du poème. Enregistré par Mika. Cet enregistrement fait partie du domaine public.